بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما شاء الله معنا اليوم سورة النصر. Aujourd'hui on verra l'exégèse de سورة النصر. الله تبارك وتعالى qui nous dit: Oui. Jazakallahu khairan. Et donc, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu verras les gens rentrer par vagues dans la religion d'Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Alors, prône la gloire de ton Seigneur et loue-le, tout en le louant, et implore son pardon. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Certes, il pardonne les péchés. Et donc, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit, Ida ja'a nasrullahi wal fath, lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire, Nasrullah, qu'est-ce qui est voulu par le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala? Les ulama, ils nous disent, huwa taslitullahi al-abdi ala aduwihi. Ou taslitullahi al-abda ala aduwihi. C'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il donne le dessus à son serviteur face à son ennemi. C'est ça le secours d'Allah. Le fait que Allah donne le dessus à son serviteur face à son ennemi. فَهَذِهِ الْآيَةِ أَيُّ الْإِخْوَ عَظِيمَ جِدًّا. Ce verset, il est grandiose et très important. فِيهَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَمِ النُّبُوَّةِ. Il y a dans ce verset un des signes parmi les signes prophétiques. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْبَرَ نَبِيَّهُ بِأَنَّهُ مَنْصُورٌ وَقَدْ حَصَلَ. Allah tabaraka wa ta'ala a informé son prophète qu'il sera secouru. Et certes, cela s'est effectivement passé. Et donc ça, c'était avant la conquête de la Mecque. Il lui a informé qu'il sera secouru. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire. Et donc, il lui a informé de cela, puis cela est effectivement arrivé. Cela fait partie des signes de la prophétie. Fa ahlu Makkata akhrajuhu min baytihi da'ifan mustakhfiyan. Les gens de Mecca, ils l'ont poussé à sortir de chez lui en état de faiblesse, il se cachait. Faraja ba'd dhalika mansuran bi nasrillahi tabaraka wa ta'ala. Après cela, il est retourné à la Mecque avec le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Famastata'a a'da'uhu an yuwajihu. Alors ses ennemis n'ont pas su faire face. Ils ne pouvaient pas faire face à l'armée des croyants. Ceux qui ont été chassés, qui étaient affaiblis avant, ils sont revenus en force par le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les ennemis n'ont pas pu faire face à cela. وَهَذَا هُوَ أَيْضًا الْمَقْصُودُ بِالْفَتْحِ. Et c'est ce qui est voulu ici par le terme « la victoire ». La victoire ici, c'est la conquête de la Mecque. يَرْحَمُكَ اللَّهِ. La victoire ici, c'est la conquête de la Mecque. فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَخَذَ مَكَّةِ. وقال لأعدائه ماذا ترون أني فاعل بكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné à la Mecque, il a conquis la Mecque, et ensuite il a dit à ses ennemis, ceux qui cherchaient à le tuer, il leur a dit, que pensez-vous que je vais vous faire maintenant? Maintenant vous êtes encerclés, j'ai mon armée qui est là, vous ne pouvez rien faire. Que pensez-vous que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Ils ont dit, Akhun Karim, Ibn Akhin Karim, tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. Ne nous fais rien. Laisse-nous. Inch'Allah, khalas, c'est fini. C'est eux qui ont cherché, c'est eux qui voulaient le tuer. Alors, afa anhum. Alors, il les a excusés, il les a pardonnés. Il leur a dit, idhhabu fa antum tulaqa. Partez, certes, vous êtes libres. Vous êtes libres. فهذه الآية فيها البشارة بنصر الله لرسوله وللمؤمنين. Il y a dans ce verset le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a secouru ou a promis le secours à son prophète ainsi qu'aux croyants. والآيات التي بعدها. Et concernant le verset qui suit, Allah تبارك وتعالى qui dit ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah par vagues. فهذه بشارة بانتشار الإسلام. Ceci est l'annonce de la propagation de l'islam. وَأَنَّ النَّاسَ سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَمَعَاتٍ. Et que les gens rentreront dans la religion d'Allah par groupe. مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَابِقًا يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ أَفْرَادًا. Alors qu'avant cela, les gens y rentraient en islam de façon individuelle, une par une, comme ça. Mais après, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné la victoire à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que les croyants ont repris la Mecque, là, les gens, ils ont compris que c'était la religion de vérité. Alors, les gens se sont convertis pas en vagues. C'était des groupes qui venaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se convertir. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يُسْلِمُونَ أَفْرَادًا بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُخْفِي إِسْلَامَهُمْ. Encore pire que cela, non seulement ils se convertissaient avant, c'était de façon individuelle, mais d'autres, pire que cela, ils se convertissaient, ils rentraient dans l'islam en le cachant. Il ne fallait pas informer aux autres personnes de cela. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur concernant l'autre, concernant leur vie, etc. C'était dangereux. Mais là, non. L'islam, les gens qui rentrent en vague, par vague dans cette religion, donc cette religion qui se propage. ففي هذه السورة كذلك في هذه السورة كذلك خبر قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a aussi dans cette sourate l'information concernant le rapprochement de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Certains vont me dire, mais où est-ce que c'est cité la mort du prophète صلى الله عليه وسلم? Ici dans cette sourate, tu vois où est-ce que c'est cité la mort du prophète? Abdelrahman, non? Toi, Salih, tu vois? Youssouf, tu vois? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Il y a la mort ou il n'y a pas la mort? Al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son sahih, selon Ibn Abbas, rajallahu anhuma. Ibn Abbas qui raconte l'histoire, il nous dit كَانَ عُمَرُ. On a déjà vu cette histoire dans cette mosquée. Il nous dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, كان عمر يدخلني مع الشيخ قريش أو مع الشيخ بدر. Omar, il me faisait rentrer avec les chouyours de Badr. Les personnes âgées, les anciens de Badr. Alors Omar, il faisait rentrer Ibn Abbas, qui était bien plus jeune. Hein? Bien plus jeune. Parfois, certains, ils sont gênés. De faire cours avec certains élèves qui sont plus jeunes qu'eux. Avec des élèves qui sont plus jeunes qu'eux. Alors que parfois, ces élèves qui sont plus jeunes peuvent maîtriser mieux qu'eux. Et donc, ne pense pas que le fait qu'un tel soit plus jeune que toi, que tu peux le mépriser. Ne méprise pas une personne par rapport à l'âge que celui-ci a. Ne méprise personne d'ailleurs. Et donc ici, Ibn Abbas qui nous dit que Omar, il le faisait entrer dans les assises avec les anciens de Badr. فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ. Alors certains, ils ont dit à Omar, pourquoi est-ce que tu fais rentrer ce jeune avec nous alors que nous aussi on a des enfants comme lui? Si on veut, on fait venir nos enfants aussi. Pourquoi tu le fais rentrer avec nous? Alors Omar, radiallahu anhu, il dit « Innahu mimman kod alimtum ». Certes, ils viennent de celui que vous savez. C'est-à-dire ses mérites. Ses mérites, les mérites de cet enfant viennent de celui que vous savez. « Kala fada'ahum dhata yawmin wada'ani ma'ahum ». Ibn Abbas qui raconte l'histoire, il dit alors « il les a invités un jour, il m'a invité aussi avec eux. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yawma idhin illa liyuriyani min illa liyuriyahum minni. Il dit donc Ibn Abbas, et je pense que la seule raison pour laquelle il m'a invité, c'est pour leur montrer qui je suis, c'est pour leur montrer ce que je connais. C'est pour ça qu'il m'a invité. Qala fa ma taqulun ma taqulun fi idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatama as-surah. Et donc Omar, il a dit aux anciens de Badr, il leur a dit, que dites-vous de la parole d'Allah Azza wa Jal, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jusqu'à ce qu'ils finissent la sourate. Et donc Omar, il a lu la sourate entièrement et leur a demandé, que dites-vous de cette sourate? Faqala ba'duhum umirna an nahmad Allah wa nastaghfirahu idha nusirna wa futiha alayna. Alors certains les ont dit, il nous a été ordonné de louer Allah et d'implorer son pardon lorsque le secours nous est accordé ainsi que la victoire. Wa qala ba'duhum la nadri aw lam yakul ba'duhum shay'a. Certains, Ibn Abbas il nous dit, et d'autres qu'ils ont dit, on ne sait pas. Ou ils n'ont rien dit. Yarhamuk Allah. Ibn Abbas qu'il nous dit, fa qala li ya ibn Abbas akadhaka taqul. Alors Omar il a dit à Ibn Abbas, oh Ibn Abbas, est-ce que tu dis la même chose? C'est-à-dire que cette sourate-là, il nous a été ordonné de louer Allah, d'implorer son pardon. Est-ce que c'est ce que tu dis? Ibn Abbas, il a dit, « Kultula ». J'ai dit, non, c'est pas ça. Alors, Omar, radiallahu anhu, il lui dit, « Fama takoul ». Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit concernant cette sourate? Il dit, « Ibn Abbas, radiallahu anhu, « Kultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. Alors à ce moment-là, Ibn Abbas رضي الله عنهما il a répondu en disant, j'ai dit, c'est l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui en a informé lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. La victoire, la conquête de la Mecque, ceci est le signe de ta mort. Alors, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Alors, donc prends la gloire de ton Seigneur tout en le louant et implore son pardon. Innahu kana tawwaba. Certes, il est pardonneur. Omar qui a dit après cela, je ne connais de cette sourate que ce que tu as cité, que ce que tu connais. Et donc Omar a approuvé cette explication d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il y a donc dans cette histoire une leçon importante pour nous tous. Hein? Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que ça veut dire que tu dois mépriser celui qui est plus jeune. Il faut qu'on fasse attention à cela. Et aussi, parfois, certains qui ont étudié ou autres peuvent se sentir supérieurs aux autres. Non. Les savants nous disent, si tu as réellement étudié, cette science que tu as fait de toi quelqu'un d'humble, cette science que tu as fait de toi que tu es humble et que tu n'as aucune gêne à dire « un tel connaît mieux que moi ». Un tel connaît mieux que moi. Tu n'as pas de gêne à le dire. Idan hazi surah fiha aidan khabaru qurbi ajali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a aussi dans cette sourate l'information quant au rapprochement de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha hasala an-nasr wal fath wa dakhala an-nas fi al-islam afwaja fa ma baqiya laka ya Muhammad illa al-istighfar al-muqarin lil-hamdi والتسبيح. Alors, lorsque viendra le secours et la victoire et que les gens rentreront dans l'islam en vague, alors il ne te restera, ô Muhammad, que le fait d'implorer le pardon de ton Seigneur tout en le louant et en prônant sa gloire. Il y a en cela une éducation pour nous tous. Les gens font beaucoup de péchés. Wa kullu nabi haja ila maghfiratillahi tabaraka wa ta'ala. Nous avons tous besoin du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa Allah tabaraka wa ta'ala yahuthuna ala al-istighfar. Allah nous incite au fait d'implorer son pardon. La siyama man ghalaba ala dhannihi annahu qad iqtaraba ajaluhu. Particulièrement celui qui pense, celui qui est dans une situation où il pense que sa fin est proche. Istaghfir, implore le pardon de ton Seigneur pour tous les péchés que tu as faits. Nous faisons tous des péchés, cela est essentiel, cela est important. وتأملوا أيها الإخوة في كون الله تبارك وتعالى قارن بين التسبيح والحمد. Et méditez, oh chers frères, sur le fait que Allah تبارك وتعالى il a fait le lien entre la louange et le fait de prôner sa gloire. On a déjà abordé ce sujet dans cette mosquée, la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullah sur le lien qu'il y a entre le hamd et le tasbih. Si on voit souvent dans le Coran, dans les textes de la législation, la sunna, on voit souvent les deux ensemble. Alhamdulillah, subhanallah, on voit souvent les deux ensemble. Quel lien, Cheikh al-Islam, il a tiré de cela? Quelle faïda il a tiré de cela? Quelle leçon? On l'avait vu ensemble plusieurs fois. On la revoit une dernière fois. Alors, on avait dit Alhamdu, Nahmadullah tabaraka wa ta'ala ala asma'ihi wa sifatihi. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour ses noms et attributs, pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il nous a accordé. Huwa al-Khaliq al-Razik, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous accorde la subsistance. Huwa alladhi yahdina, c'est lui qui nous guide. On le loue pour tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on le loue pour ses noms et ses attributs. Wat tasbih, qu'est-ce que tasbih? Tanzihullahi amma la yaliqu bihi. Ou tanzihullahi an jami' al-naqais. C'est le fait de rejeter tout défaut concernant Allah. Le fait de rejeter tout manquement, tout défaut concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit man kana hamidan musabbihan radda bidhalika ala jami'i man harafa fi bab al-asma'i wa sifat. Il dit celui qui loue Allah et qui prône sa gloire aura répliqué à tous ceux qui se sont égarés dans le sujet des noms et attributs. Tous. لأنك بالحمد تثبت أسماء الله وصفاته. Car toi, lorsque tu vas louer Allah, tu vas affirmer ses noms et ses attributs. Tu le loues pour ses noms et ses attributs. Tu vas donc répliquer à tous ceux qui ont rejeté les noms et les attributs d'Allah. Ceux qui nous disent non, Allah, on peut pas dire que Allah yatakallam, on peut pas dire si, etc., etc. Tu vas donc répliquer avec eux avec juste alhamd. Parce que tu loues Allah pour ses noms et ses attributs. Et tasbih, le fait de prôner la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala, taruddu ala kulli man shabbaha Allah bil makhluq. Tu vas répliquer à tous ceux qui ont fait, qui jugent que Allah ressemble à sa créature. Que Allah est comme sa créature. Pourquoi? Li anna hadha la yaliqu billah wa huwa naqs. Car cela ne convient pas à Allah et ceci est un manquement, est un défaut. Or, lorsque tu prends la gloire d'Allah, cela signifie que tu rejettes tous les défauts concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit avec ces deux paroles-là, on réplique à tous ceux qui se sont égarés dans le chapitre des noms et des attributs. Et pour finir, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, innahu kana tawwaba. Certes, il est pardonneur. Il est pardonneur. Il faut vraiment qu'on ait cette croyance en nous, oh chers frères. Qu'on se rappelle qu'Allah Azzawajal pardonne les péchés et qu'on insiste sur ce sujet. Et surtout, qu'on fasse des causes. Ce n'est pas convenable qu'on croit que oui, Allah Azzawajal, c'est le pardonneur. Déjà, on n'implore pas son pardon. Ou alors, on implore son pardon, mais on est là dans le péché. Non. Il faut qu'on fasse des causes. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « فَمَنْ تَبَ مِنْ بَعْدِ ذُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ » Celui qui se repent après avoir fait son injustice, « wa aslah » et qui arrange, certes Allah lui pardonne. On avait donné un exemple en cours. Abdurrahman, on avait cité l'exemple de celui qui, on avait dit, il refait la peinture à la maison. Hein? Il tache tout le mur. Donc, dans son repentir, il va voir ses parents. Papa, maman, j'ai fait ça. Désolé. Toup, je me suis repenti à Allah. Et d'ailleurs, j'ai ramené de l'eau, je vais nettoyer le mur, Inch'Allah. T'essaies donc d'arranger ce que tu as fait. Et donc, il est impératif qu'on arrange. C'est pas t'es là, tu dis, Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Et t'es encore dans le péché. Non, fais les causes. Il faut que tu implores la pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que tu délaisses le péché et que tu arranges ce que tu as fait. Si tu as volé l'argent de quelqu'un, ah, j'ai volé 1 million. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. L'argent dans le monde, il est dans mon compte. Alhamdulillahi rabbil alamin, je me suis repenti. Rends l'argent à la personne. Hein? Parce que cela ne convient pas à te repentir. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse des causes pour le repentir. C'est important. Barakallahu fikum. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallahu.